je suis convaincu que Jésus est le Fils de Dieu. Il a vaincu Satan sur la croix à la montagne de Golgotha et il m'a donné la vie. Alléluia. Oh, Jésus.